Mais pour que ça paye, faut que ça pète, faut que ça rentre dans ta tête. Parce qu'on vient du pire.